Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men itiba'uda, thumma amma ba'd. Donc, nous continuons dans la lecture donc, de la synthèse donc, de Al-Bayan Al-Fawri, donc du Cheikh Arafat Ben Hassan Ben Ja'far Al-Muhammadi Hafidahullah. Livre qui a été préfacé par le noble cheikh, l'érudit savant Ubayd al-Jabiri Hafidahullah. Et donc ce Bayan al-Fawri, qui est la clarification immédiate dévoilant la corruption des fondements et des règles de Yahya al-Hajouri. Donc ça montre, comme il est décrit dans cet intitulé, ça montre les fondements corrompus chez le dénommé Yahya ben Ali al-Hajouri. Et donc la dernière fois, on a lu les six premiers fondements corrompus. Et on enchaîne aujourd'hui à partir du septième fondement, parmi les 14 fondements corrompus dans ce Bayan Fawri, partie numéro 1. Alors qu'il y aura donc aussi une seconde partie de ce Bayan Fawri qu'on essaiera de réaliser également. Ainsi que donc, les écrits de Cheikh Ali Al-Hudhayfi, Abu Ammar, qui montra des fondements que donc, Al-Hajouri avait contredit, des fondements des gens de la Sunna que cet homme a contredit. Donc, dans le septième fondement, il y a sa prétention que les gens de la Sunna sont parmi les groupes les plus proches de la vérité. Donc pour lui, les gens de la Sunna ne sont pas le groupe qui est sur la vérité, mais ils sont proches de la vérité. Et donc là, cette manière de s'exprimer ainsi, donc ce n'est pas les propos des gens de la Sunna, et ce n'est pas ce qui est dans le livre et la Sunna. Et donc ce qui montre que que pour lui, les gens donc, de la Sunna ou bien les salafis hein, sont les plus proches de la vérité. Et donc, qui est sur la vérité? Donc, c'est une question qui s'adresse à Al-Hajouri. Donc, il a dit dans une cassette intitulée Tabiin al-Kadib wal-Main, je lis d'abord le propos en arabe, hein, le propos de Al-Hajouri. Il a dit: وهذا الرجل يقول إننا نقول إن أقرب الطوائف إلى الحق jusqu'à la fin de sa parole. هذا ما هو قولنا فقط. Donc le commentaire de Yahya al-Hajouri, il a dit: هذا ما هو قولنا فقط. هذا قول شيخنا وهو مذكور ومشهور عنه يعرفه طلبته الأجلاء وليس من أمثالك أيها الساقط. Donc, traduction de sa parole, Al-Hajouri dit: cet homme dit que nous disons les gens les plus proches de la vérité, hein, c'est-à-dire ce fondement qui est corrompu chez lui. Donc, lui, il persiste sur cela, et qu'est-ce qu'il a dit? Or, dit Al-Hajouri, or, ceci n'est pas seulement notre parole à nous, mais celle de notre cheikh aussi. Donc, il veut dire cheikh Moqbil. C'est celle de notre cheikh aussi. Puis il insulte, hein, donc Al-Hajouri insulte comme d'habitude. Il a dit que donc, de celui qui lui reproche cela, il le qualifie de saqit, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est déchu. Voilà, donc ceci revient beaucoup chez Al-Hajouri et ses suiveurs. Hein. Qu'est-ce qui revient? C'est al-istidlal bi khata' ba'd al-ulama. Donc c'est qu'il pour défendre sa position à lui, il va ramener une erreur hein, qui a été commise hein, par un autre savant par exemple hein. Et cela revient beaucoup chez Al-Hajouri et chez ses suiveurs. C'est qu'ils argumentent par quoi? Par les erreurs donc d'autres mashayikhs ou donc des gens de la sunna anciens. Il va dire qu'un tel aussi avait dit tel propos. Et non pas donc, d'amener les preuves du Coran et de la sunna qui défendent telle position que lui il prend. Donc ainsi, ils veulent passer les erreurs de leur cheikh, c'est-à-dire ses suiveurs de l'Hajjouri, en arguant qu'un tel aussi a commis une erreur, ou bien avait fait un acte similaire, ce qui n'est pas la conduite donc du croyant, qui lui se repent de la faute, abstraction faite de l'erreur d'un autre, d'accord? Ou bien il défend par des arguments, ou bien donc le croyant, il défend sa position par les arguments, donc il prend une position qui a été donc celle des gens de la Sunna, lorsqu'il y a, c'est-à-dire une divergence dans les questions de branche, c'est-à-dire il défend une position argumentée, selon lui, il prend cet avis, mais sans contredire des fondements, donc chez les gens de la Sunna. Donc là, ça tombe dans cette parole, il persiste et il dit que ce n'est pas seulement ma parole, mais celle de Cheikh Mokbil. Mais on va voir, est-ce que c'est aussi celle de Cheikh Mokbil? Al-Hajouri n'a même pas épargné l'effort de composer une risala, une épître, où il réplique à Cheikh Ubayd al-Jabiri, al-Hajouri, il a composé quoi? Il a composé une risala, pardon, où il réplique à Cheikh Ubayd al-Jabiri, al-Hajouri a composé une risala, où il réplique à Cheikh Ubayd al-Jabiri hafidhahullah, et en fait il ne réplique pas qu'à Cheikh Ubayd al-Jabiri, mais il réplique aux gens de la Sunna, puisqu'il les qualifie comme étant les plus proches de la vérité. Or les gens de la Sunna sont sur la vérité, d'accord? Donc il a composé cette épître qu'il a intitulée Lutfullahi bil khalq من مجازفات الشيخ عبيد ورميه بالعظائم على من قال أهل السنة أقرب الطوائف إلى الحق. Voyez, donc c'est un titre tellement donc enjolivé donc pour tromper les gens, pour feinter et pour tromper les gens. Alors que donc comme on va voir dans les paroles des gens de science, les gens de la science sont sur la vérité, avec les fondements qu'ils suivent et qui sont issus du Coran et de la Sunna et avec leur position et ainsi de suite, les gens de la Sunna sont les gens de la vérité. Alors que donc composer une épître avec un intitulé long et avec sajah, avec sajah, Lutfullahi bil khalq, min mujazafat al-shaykh Ubayd wa ramihi bil azaim ala man qala ahlu sunnati aqrabu al-tawa'if bil haqq ou ila al-haqq. Donc là, ça ne change rien de la vérité. Les gens de la Sunna sont les gens de la vérité et non pas aqrabu at-tawa'if ila al-haq. Ne sont pas donc les gens qui sont les plus proches de la vérité, mais ce sont les gens de la vérité, comme on va voir dans les paroles des gens de science. Quel genre de science? Qala Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah fi minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah al-mujallad ar-rabi' as-safha 313. Cheikh l'Islam a dit, voici sa parole d'abord en arabe, il a dit فَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَ أَهْلِ السُنَّةِ اِسْتَقَامَ قَوْلُهُ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ وَالِاسْتِقَامَةِ وَالِاعْتِدَالِ وَإِلَّا حَصَلَ فِي جَهْلٍ وَكَذِبٍ وَتَنَاقُدٍ كَحَالِ هَؤُلَاءِ الضُّلَّالِ. Donc, le shahid هنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية, c'est qu'il a dit وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْحَقِّ. Donc celui qui va suivre la piste des gens de la Sunna, il sera parmi les gens de la vérité. Traduction de la parole du Cheikh al-Islam. Il a dit, quiconque suit la voie des gens de la Sunna, sa parole devient droite et il fait partie des gens de vérité, de rectitude et de modération. Sinon, il tombe dans l'ignorance, le mensonge et la contradiction, comme le cas de ces gens égarés. Maintenant, on va prendre une autre parole, donc qui est d'un contemporain, Cheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah, fut questionné. Voici la question. Il a donc votre éminent Cheikh, qu'Allah vous accorde le succès, est-il juste de dire que les gens de la Sunna sont parmi les sectes ceux qui sont les plus proches de la vérité? La réponse de Cheikh al-Fawzan hafidhahullah, ils sont les gens de vérité. On ne dit pas ils sont les plus proches. On dit ils sont les gens de vérité. Ce sont eux qui sont sur la vérité. Celui duquel on dit proche, c'est celui qui a un égarement ou quelques égarements. On en dit il est proche. Quant aux gens de la Sunna, ils n'ont pas, louange à Allah, ils n'ont pas d'égarement. Ils sont donc les gens de vérité. Et donc la source de cette réponse, c'est le cours du livre Akhsarul Mukhtasarat. Donc son explication sur donc, ce matin de Al-Fiqh. Donc là, comme vous avez vu, donc la parole du Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, et la parole de Cheikh Salih Al-Fawzan, Hafidahullah, donc ça montre que les gens de la Sunna sont les gens de la vérité et non pas les plus proches de la vérité. Il apparaît de cela que Al-Hajouri a menti sur Cheikh Al-Islam et sur Cheikh Al-Fawzan. Il leur avait imputé auparavant des paroles qu'ils n'ont pas dites. Parce que lui, il a essayé d'argumenter aussi en feintant que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah et que Cheikh Al-Fawzan disent des propos similaires. Donc il a menti à leur sujet. Il leur avait imputé des paroles qu'ils n'ont pas dites. Et dans le dernier fondement, nous traiterons donc des mensonges et des troncations de Al-Hajouri. Al-Kadibat ou Al-Abtur, Jam'u Batr. Il tronque les paroles des gens de science pour défendre ses positions, malheureusement. Donc on va découvrir dans le 14e fondement des mensonges et des troncations qu'il fait des propos des gens de science pour soutenir ses positions. Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah a une réponse similaire à celle de Cheikh Fawzan. Il a une réponse presque similaire à la réponse de Cheikh Fawzan. Donc pour ne pas faire long, je n'ai pas repris toute la parole de Cheikh Zayd, mais il y a une réponse presque similaire à celle donnée par Cheikh Fawzan, où il dit que les gens de la Sunna sont plutôt les gens de vérité et non pas plus proches de la vérité. Cheikh al-Bukhari, hafidhahullah, Abdullah al-Bukhari, hafidhahullah, avait dit de cette parole de Al-Hajouri qu'elle est complètement fausse. أنه كلام في غاية من البطلان وظاهر البطلان. C'est une parole qui est complètement fausse de dire que les gens de la Sunna sont les plus proches de la vérité et donc qui est sur la vérité. Donc ça c'est une parole tellement fausse et donc on s'étonne que ces gens continuent à défendre une telle position. Ces gens que sont Al-Hajouri et ses suiveurs. Cheikh Ubayd Al-Jabiri Hafidhahullah avait critiqué Al-Hajouri sur ce point et sur beaucoup d'autres. Et Cheikh Arafat dit, Cheikh Arafat rapporte, il a dit, j'ai questionné notre érudit Cheikh Rabi' al-Madkhali et notre Cheikh Mohamed Ben Hadi. Ils ont confirmé, notre Cheikh Ubayd al-Jabiri, ils l'ont confirmé dans la critique. Qu'il fait à Al-Hajouri sur ce point et l'annulation de cette parole de Al-Hajouri. Ils l'ont confirmé, donc ils ont dit que Cheikh Ubayd a raison, c'est-à-dire en lui reprochant cette parole. Mais maintenant on vient à la parole, à une parole de Cheikh Muqbil. Le Cheikh Al-Muhaddith, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, mentionna le hadith, voici la parole du prophète alayhi salam en arabe d'abord avant de traduire le sens qui nous apparaît de cette parole. La tazal ta'ifatun min hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amri Allah la yadurruhum man khalafahum hatta yati amru Allah. D'accord. Comme vous voyez, donc shahid fil mas'ala qa'imatan 'ala amri Allah, 'ala amri Allah. Traduction rapprochée du sens de la parole prophétique. Une partie de cette communauté, c'est-à-dire les gens de la Sunna, une partie de cette communauté continuera à veiller sur la religion d'Allah. Ceux qui la contredisent ne vont pas lui nuire jusqu'à ce que l'ordre d'Allah arrivera, c'est-à-dire jusqu'à la fin, c'est-à-dire ou jusqu'à l'heure, hein, c'est-à-dire avec un grand H. Ensuite, Cheikh Mokbil, lorsqu'il a amené ce hadith du prophète alayhi, Cheikh Mokbil le commenta en disant: Inna al-murada bihim ahlul hadith, li'annahum la yata'assabuna li'ayyi madhhabin, wa innama yata'assabuna lil-haqq, wa la yanbaghi an yuqsara, c'est-à-dire le hadith. La yanbaghi an yuqsara 'ala al-muhaddithin, fa-ar-rajul as-salih al-muttabi' lil-haqq من الفرقة الناجية وإن لم يكن محدثا إلا أن أهل الحديث يدخلون دخولا أوليا. Traduction donc de la parole de Cheikh Mokbel rahimahullah. Tentative de traduction de cette parole. Il a dit: ceux qui sont visés, c'est-à-dire dans ce hadith, hein, ce sont les gens du hadith, hein, أهل الحديث, les gens du hadith, car ils ne se crispent pas à une école. La yata'assabuna li mazhab. Ils ne se crispent pas pour une école. Hein. C'est plutôt qu'ils ne se crispent qu'à la vérité. Et il ne convient pas de limiter cela, c'est-à-dire la parole du prophète, de la limiter aux muhaddithin, hein, c'est-à-dire au sens strict. L'homme vertueux qui suit la vérité fait partie du groupe sauvé. Hein, voici donc ce qui nous intéresse dans cette parole. Fait partie du groupe sauvé. Non pas qu'il est proche du groupe sauvé, mais fait partie du groupe sauvé. Même s'il n'est pas muhaddith, néanmoins, les gens du hadith sont visés ou y rentrent prioritairement. Hein, que les muhaddithines rentrent prioritairement, c'est-à-dire dans Al-Firqa Al-Najiyah. La source de la parole de Cheikh Mokbel, c'est le livre Riyad Al-Jannah, la page 23. Voici donc que Cheikh Mokbel rahmaullah dit que l'homme vertueux, suivant la vérité, fait partie de Al-Firqa Najiyah, le groupe sauvé, et non pas qu'il en est proche, et non pas qu'il est seulement proche de Al-Firqa Najiyah. Al-Hajouri Hadahullah avait tronqué cette parole de son Cheikh Mokbel. Il a tronqué cette parole, il a enlevé la fin où Cheikh Mokbel montre cela. Il avait tronqué cette parole quand il évoqua les propos de Cheikh Mokbel rahimahullah. Hein, regardez comment il agit même à l'égard de son Cheikh Mokbel rahimahullah ta'ala. Cheikh Arafat Muhammadi, hafidahullah, rapporta que l'un des nobles mashayikhs du Yémen avait dit: si c'était Cheikh Abdurrahman al-Adani, Cheikh Abdurrahman al-Adani, que Al-Hajouri a rendu sectaire, hein, qu'il a qualifié d'être un innovateur, un hizbi. Donc l'un des messieurs du Yémen a dit: si c'était Cheikh Abdurrahman al-Adani qui avait proféré cette parole dite par Al-Hajouri, hein, Ahl al-Sunna aqrab al-tawa'if ila al-haq, si c'était Cheikh al-Adani qui avait dit cela, hein, alors Al-Hajouri et ses suiveurs auraient dit, hein, voici la parole de, donc, de ce Cheikh yéménite, qu'est-ce qu'il a dit comme parole qui aurait pu être prononcée par Al-Hajouri et ses suiveurs, hein, il avait dit: Alhamdulillah alladhi azhara hizbiyatahu ala lisanihi faha huwa yuqir wa bilisanihi annahu laysa ala al-haq, hein, walakin lamma qalaha al-Sheikh al-Hajouri, hein, mais quand cette parole fut prononcée par Cheikh al-Hajouri, sar al-amru aksiyan فصاروا ينتصرون لهذه المقالة الخاطئة. Voici la traduction de cette parole qui a été prononcée par l'un des messieurs de Yémen et que Cheikh Arafat a rapporté. Il a dit que si c'était le Cheikh Al-Adani, Abdurrahman Al-Adani, que Al-Hajouri avait rendu sectaire, si c'était Al-Adani, Abdurrahman Al-Adani, rahimahullah, qui aurait prononcé une telle parole, Ahl al-Sunna aqrab al-tawa'if ila al-haq, donc al-Hajouri et les Hajourites auraient dit: louange à Allah qui montra son sectarisme sur sa langue, le voici qui avoue, hein, ne pas être sur la vérité. Fin de leur de la parole que le Cheikh leur impute. Cependant, quand c'était Cheikh al-Hajouri, hein, la situation s'est inversée. Et ils sont venus soutenir cette parole fausse. Hein, ils sont donc conscients que cette parole hein, de l'Hajouri, c'est une parole qui est fausse. Mais puisque ça a été prononcé par l'Hajouri, hein, donc ils la soutiennent malheureusement. Hein, c'est une position tellement claire et tellement fausse. Hein, c'est une parole qui est fausse. Dire que les gens de la Sunna sont les plus proches de la vérité et non pas les gens de la vérité, c'est une parole fausse. Alors que le prophète, alayhi salam, l'a dit, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq. Hein? Donc une partie de ma communauté restera sur la vérité et ils sont, c'est-à-dire triomphants, hein, et ils sont sur la vérité. Hein? Comment dire? Ils sont proches de la vérité. Le huitième fondement maintenant, c'est sa prétention qu'Iblis, hein, et Pharaon et les polythéistes aurait appelé au monothéisme de seigneurie. Hein, sa prétention qu'Iblis, Pharaon et les polythéistes auraient appelé au monothéisme de seigneurie. Al-Hajouri dit dans la cassette intitulée Tabyin al-Kadibi wal-Mayn. Hein, voici sa parole d'abord en arabe. Na'am, Tawhid al-Rububiyya, qad da'a ilayhi Fir'aoun wal-Mushrikoun. وقد قال هذا صاحب فتح المجيد وقاله جميع أهل السنة إن توحيد الربوبية دعا إليه المشركون ما كانوا يجهلونه الأدلة على ذلك كثيرة أنهم كانوا يدعون إلى توحيد الربوبية donc il prétend que donc Iblis et Pharaon et les associateurs hein, auraient appelé à Tawhid al-Rububiyya, hein, au monothéisme de quoi? De seigneurie. Il prétend que c'est une chose tellement connue hein, et que tous les gens de la Sunna auraient soutenu une telle position que lui, il est en train de soutenir maintenant. Cheikh Arafat a commenté, il a dit, il suffit de citer cette parole pour savoir qu'elle est nulle et qu'elle est batila, qu'elle est nulle. Hein? Al-Hajouri pourtant défend cet avis. Hein? Et l'autre Hajouri, qui est Abdelhamid Al-Hajouri, hein? L'autre Hajouri hein? Retranscrit la parole de Yahya et il la cite dans la nouvelle introduction hein, de son livre Al-Khiyana Al-Da'awiyya. Hein? Donc c'est étonnant comment ils agissent et comment ils se crispent hein, à Al-Batil. D'accord? Il a retranscrit cette parole et il la cite. Hein, il la cite où? Il la cite même en introduction de ce livre qui est Al-Khiyana Al-Da'awiyya. C'est étonnant comme cet homme, hein, qui est Yahya Al-Hajouri, rend Pharaon comme l'un des prêcheurs de monothéisme, de seigneurie. Hein? Après cette parole, je note hein, qu'il est bien connu que Pharaon est parmi les rares à avoir contesté Tawhid al-Rububiyya. Hein? Il a dit « Ma alimtu lakum min ilahin ghayri » Il a dit « Ana rabbukum al-a'la » C'est parmi les rares, hein, lui et An-Namroud, et donc les athées russes à l'époque actuelle, ainsi que le mouvement d'athéisme actuel, c'est parmi les rares qui ont donc osé dire contester le monothéisme de seigneurie. Or pour le Hajouri, hein, Pharaon a appelé au monothéisme de seigneurie. Pharaon, il est connu comme étant l'un des rares à avoir renié ce type de monothéisme. Allah informa à son sujet. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dans son noble livre wa jahadu biha وَسَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Traduction rapprochée du sens de ce verset. Ils les renièrent, c'est-à-dire ils renièrent les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, ils les renièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Hein, وَسَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. D'accord? Ils y croyaient avec certitude. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe qu'intérieurement, donc, ils croient, hein, c'est-à-dire que c'est Allah qui crée, que c'est Allah qui gère cet univers, que c'est Allah qui est le gestionnaire et qui est le roi, hein, qui a la royauté et qui a créer cet univers et ainsi de suite. Sourate An-Naml, les fourmis, le verset numéro 14. Hein? Pharaon reconnaît intérieurement. Les associateurs aussi ont reconnu hein, beaucoup des branches de monothéisme. Hein, donc dans le Coran Karim, on trouve beaucoup de versets qui attestent de cela. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont appelé au monothéisme de seigneurie. Avouer la chose et al-iqrar biha, reconnaître la chose, ne veut pas dire que l'autre il sera un prêcheur à cela, qu'il y appelle. D'accord ? Donc, Iblis aussi a reconnu des branches hein, donc de la seigneurie. Lorsqu'il a dit « Khalaqtani min nar », c'est-à-dire il reconnaît que c'est Allah qui l'a créé. « Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ». D'accord ? Et lorsqu'il a dit « Bi'izzatika », lorsqu'il jure par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Tout-Puissant et ainsi de suite. Mais reconnaître n'est pas prêcher. Hein? Reconnaître n'est pas appeler à la chose. Reconnaître la chose en soi-même, ou bien la reconnaître dans le discours, dans le khitab hein, qu'il fait. Donc, lorsque Allah lui a adressé la parole hein, et la question, donc reconnaître ne veut pas dire qu'il est devenu un prêcheur et qu'il était en train de, donc, d'enseigner cela dans le monde, et qu'il était en train donc, de prêcher au monothéisme de seigneurie, chose que donc, Al-Hajouri soutient malheureusement et il persiste à la soutenir comme c'est donc ça a été montré wallah musta'an. Très bien, maintenant on passe au neuvième fondement. C'est que Al-Hajouri a adopté l'une des règles de Abu al-Hassan al-Ma'ribi hein, Abu al-Hassan al-Ma'ribi, et il est tombé dans la même erreur dans laquelle est tombé Abu al-Hassan al-Ma'ribi, qui est un innovateur. Quelle est cette règle? C'est al-qawl bi-haml al-mujmal ala al-mufassal fi kalam kharij al-wahi. D'accord? C'est qu'il considère que lorsqu'il y a une parole générale, donc d'un prêcheur ou d'un prédicateur, on va regarder dans les paroles qui sont détaillées de ce même prêcheur, etc., pour lui trouver une excuse. Hein? Pour lui trouver une excuse. Donc, on va voir donc, comment cela donc, est donc, devenu donc, une erreur et comment les gens de science répliquent à cette erreur. Cheikh Rabi avait déjà répliqué à Abu al-Hassan al-Ma'ribi par un livre sur ce point. Ibtal maza'im Abi al-Hassan hawla al-mujmal wal-munfassal. C'est un livre où Cheikh Rabi il a répliqué à Abu al-Hassan al-Ma'ribi, cet innovateur d'origine égyptienne et qui était aussi à Ma'rib et qui était au Yémen et qui voulait s'emparer donc du marquez de Cheikh Moqbil lorsqu'il meurt. Donc les gens de la Sunna l'ont critiqué et Cheikh Moqbil, vers la fin de sa vie, il a été avisé que cet homme est un medsous, c'est un intrus et donc que c'est un hizbi et que c'est un égaré qui voulait donc s'infiltrer dans les rangs des gens de la Sunna. Et donc cet homme il est venu par beaucoup de règles corrompues hein, et parmi les règles corrompues c'est al-qawl bi-haml al-mujmal al-mufassal hein, non pas dans le wahy, on fait cela dans le wahy parce qu'on sait que le wahy il vient, c'est-à-dire il est tout de vérité, il est la vérité hein, donc, qui vient donc, de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais venir donc défendre cela dans les paroles des prêcheurs, cela amène à ne pas critiquer les gens. Hein, cela amène à ce que donc on va aller dans le sens de l'excuse des gens, comme on va voir. L'excuse des innovateurs et l'excuse des innovations lorsqu'elles se produisent. Al-Hajouri dit, c'est dans Al-Kanz al-Thamin, le volume numéro 4, passe 361. D'accord ? Al-Su'al. هل يحمل كلام العالم المجمل الكلام المجمل هل يحمل كلام العالم المجمل على كلامه المفصل؟ لا réponse de Al-Hajouri. إن كان الأصل في ذلك العالم السنة والمنافحة عنها وحصل منه كلام في بعض المواطن يخالف ما يعتقده فإن هذا الكلام الذي قاله ويخالف معتقده الصحيح الصريح يوجه إلى معتقده الصحيح لأننا نظن فيه الخير ونعرفه بالخير، فإن كان حيا يناقش ليوضح قوله، وإن كان ميتا يصير إلى ما علم من أصول معتقده والحمد لله. Traduction de cette question et de cette réponse. Est-ce qu'on interprète la faute générale, hein, la parole générale, hein, la faute générale, selon le détail que le savant fait ailleurs, c'est-à-dire il donne une parole ambiguë, hein, générale dans un endroit, cette parole contient une faute, est-ce qu'on va prendre cette parole et dire mais dans un autre livre ou dans une autre conférence, il détaille selon le détail des gens de la Sunna. Donc on excuse cette parole. Hein? Voici la question. Hein? La réponse de Al-Hajouri. Si la règle de base chez ce savant, hein, est la Sunna et sa défense, et qu'il s'est produit dans certains endroits une parole qui contredit sa croyance, alors, hein, voilà ce que préconise Al-Hajouri, alors cette parole qu'il dit et qui contredit sa croyance authentique, hein, est déclarée, on l'oriente, hein, nahmiluha. On l'oriente, on l'interprète, hein, sur la base, hein, de sa croyance, hein, c'est-à-dire de la croyance qu'on connaît de cet homme, de sa croyance, car nous avons le bon soupçon à son égard, nous le connaissons par le bien, s'il est vivant, on discute avec lui sur ce point afin qu'il clarifie sa parole. Et s'il est décédé, on se dirige, hein, à ce qui est connu des fondements de sa croyance. Et la louange revient à Allah. Cheikh Arafat Mohammadi, hafidhahullah, dit, nous nous contentons, hein, c'est-à-dire nous nous suffisons pour réfuter cette faute de ce qu'avait écrit l'érudit savant Rabi' al-Madkhali, qu'Allah le préserve, hein, dans son livre Tanbih Abi al-Hasan ila al-qawl billati hiya ahsan, Tanbih Abi al-Hasan, parce que Cheikh Rabi' il a envoyé, au moins à ma connaissance, hein, deux livres pour conseiller Abi al-Hasan pour revenir de ses erreurs, hein, mais il a persisté sur l'erreur. Tanbih Abi al-Hasan, hein, ila al-qawl billati hiya ahsan. Donc dans ce livre, hein, et plus précisément dans Al-Majmou', la page 43, hein, Cheikh Rabi' dit, من يخطئ بالمقال أو الفعال يقال له أخطأت ولا يقال يحمل المجمل على المفصل وقد يعاقب على حسب خطورة وضرر مقالته فقد يكون جلدا وقد يكون قتلا وقد يكون تعزيرا وقد يكون تكفيرا وقد يكون تبديعا ولو أخذنا بهذا المنهج أي حمل المجمل على المفصل إلى آخره أي في كلام يعني خارج الوحي لو أخذنا بهذا المنهج لضاع دين الله وضاعت حقوق العباد ودين الله قائم على رعاية المصالح ودرء المفاسد. Traduction, tentative de traduction de cette parole de Cheikh Rabi', hafidhahullah, il a dit, celui qui se trompe, hein, dans la parole ou dans l'acte, on lui dit, tu t'es trompé. Non pas qu'on interprète la parole générale selon celle qui est détaillée. Hein? Donc on critique les propos des gens, on les critique et on dit à celui qui s'est trompé, tu t'es trompé dans telle parole. Hein? Et il est puni selon le péril, hein, selon le danger et le méfait de sa parole. Cela peut se faire par le fouet, al-jald, par le fouet, ou par la peine de mort, ou par le châtiment, c'est-à-dire l'emprisonnement, ici, ou par le châtiment ta'zir bil-habs, mesalan, hein, ou en le déclarant mécréant, ou en le déclarant innovateur. Hein. Si nous adoptons cette méthodologie qui est Haml Mujmal ala al-Mufassal, la religion d'Allah sera perdue. Hein? Et les droits des serviteurs seront perdus. Or, la religion d'Allah repose sur la préservation des biens et le repoussement des méfaits. Jalb al-Masalih wa dar al-Mafasid. D'accord? Donc voici la parole de Al-Hajouri. Hein? Qui consiste à interpréter la parole générale qui contient une erreur, hein, selon le détail, et c'est une qaïda batila qui était déjà chez Al-Ma'ribi. Et Al-Hajouri, malheureusement, il est tombé dans ce genre de réponse, et donc il soutient ce genre de position. Très bien, donc on passe maintenant au fondement numéro 10. On passe au fondement numéro 10, où donc cet homme, il ne sépare pas, hein, il refuse de séparer ou de distinguer entre le mubtadi', hein, qui appelle à sa bid'a, hein, et entre le mubtadi' qui n'appelle pas à sa bid'a. عدم التفريق بين المبتدع الداعية لبدعته وغير الداعية متأسيا بالحداد بمحمود الحداد. Parce que Mahmoud al-Haddad aussi, qui est donc égyptien d'origine et qui a donc qui est sorti avec cette innovation de al-Haddadiyya, hein, qui contient beaucoup donc d'erreurs dans les fondements et dans les règles, hein, yarhamukallah, qui contient beaucoup d'erreurs, hein, cet homme, parmi ses erreurs, c'est de dire cela que Al-Hajouri il dit ici, hein, c'est-à-dire de ne pas distinguer entre un innovateur qui appelle à son innovation et un autre, hein, qui n'appelle pas à cette innovation. Pour lui, donc, tout le monde appelle à l'innovation. Hein. Comme on va voir que ça, c'est un propos qui est faux. Hein. Et cette question, elle a été posée à Sheikh Najmi, rahimahullah. Vous trouvez dans une cassette, donc, Aqwal al-Ulama, ou Kalam al-Ulama fi Akhta' al-Hajouri. Hein. Donc, la parole que les tullabs, ils ont posé la question à Sheikh Najmi, rahimahullah, concernant cette erreur de Al-Hajouri, et Sheikh Najmi l'a réfuté. Il a dit non, les salafs avaient distingué entre un innovateur qui appelle à son innovation et un innovateur qui n'y appelle pas. Hein. Donc, il a dit par exemple, il se peut qu'un innovateur, c'est un innovateur qui est muqallid, hein, et non pas c'est quelqu'un qui appelle à son innovation, comme avait clarifié Al-Sheikh Najmi rahimahullah. Donc là, Al-Hajouri ne distingue pas entre l'innovateur qui appelle à son innovation et celui qui n'y appelle pas. Il suit Al-Haddad sur cela. Il dit dans un audio, dans un enregistrement qu'on peut écouter dans la cassette Kalam al-Ulama fi Al-Hajouri, il a dit wa taqsimu mubtadi'atin du'at wa mubtadi'a ghayr du'at batil. وإن وجد في الكتب وتوالى عليه المقسمون لأنك إن لم تره داعيا في أقواله فهو داعية بفعله على البدعة والناس ينظرون اغترت العامة بفعله ذلك والدعوة بالقول والفعل وليس بالفعل فقط والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال لتأتم النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر وقال لتأتموا بي ولتعلموا أو لتعلموا صلاتي فعلم الناس بأقواله وأفعاله وقل أن تجد مبتدعا لا يدعو بلسانه إلى بدعته فإنه يدعو إليها بفعله فهذا التقسيم باطل ما عليه دليل ما عليه دليل وما عرف hein, وما عرف. D'accord, et dans l'audio on peut trouver même qu'il a juré, hein, que ce taqsim il est batil, hein, il a même juré que ce taqsim il est batil, alors que c'est un taqsim, comme on va voir que beaucoup de salaf ils ont fait ce taqsim et ils le défendent, ils disent qu'il y a un innovateur qui appelle à son innovation et il y a, hein, un innovateur qui n'y appelle pas. Lui, il vient, il dit que ce taqsim fait par les salafs, c'est un taqsim batil. Hein? Traduction de la parole de l'Hajouri, la division des innovateurs en ceux qui appellent, hein, en ceux qui appellent à leur innovation et ceux qui n'y appellent pas, cette division est nulle. Hein? Fin donc du propos qui est visé dans la parole de l'Hajouri. Et il a prétendu pouvoir réfuter cette division en un petit volume. Il a dit, je serai capable de composer un petit volume pour vous montrer l'erreur qu'il y a dans ce taqsim. Hein, donc, en un petit volume, Mujaylid. Hein? Cheikh al-Islam, rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Al-Majmou, le volume 28, page 205, il a dit, وهذا حقيقة قول من قال من السلف والأئمة إن الدعاة إلى البدع لا تقبل شهادتهم ولا يصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى ينتهوا ولهذا Regardez ce qui est visé ici dans cette parole amenée par Cheikh Arafat. ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية لأن الداعية أظهر المنكرات فاستحق العقوبة بخلاف الكاتم. Donc Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, en parlant des salaf, il dit que les salaf ils ont distingué entre da'iya et celui qui n'est pas da'iya à al-bida'. Alors que Al-Hajuri il vient et donc il efface tout cela et il rend les salaf, donc il les met dans l'erreur hein, à cause de cela. Traduction de la parole du Cheikh Al-Islam rahimahullah. Ceci est la vérité de la parole de ceux parmi les prédécesseurs et les imams ayant dit on n'accepte pas le témoignage des prêcheurs aux innovations, on ne prie pas derrière eux, on n'apprend pas de la science, on ne les marie pas. Hein? Donc là, c'est ad-da'iya, d'accord ? C'est là un châtiment pour eux jusqu'à ce qu'ils cessent, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils délaissent leur innovation. Hein? C'est pourquoi ils distinguent entre le prêcheur à l'innovation et le non-prêcheur. Car le prêcheur a manifesté les choses répréhensibles. Il mérite la punition, contrairement à celui qui est silencieux. Hein? Donc les salafs ont distingué entre ces deux choses. Hein? Et Cheikh Arafat, hafidhahullah, donc, dit, il n'y a pas de divergence sur ce point chez les prédécesseurs. Que ça c'est, donc, Al-Hajuri, il sort avec cet avis. Il n'y a pas de divergence sur ce point chez les prédécesseurs, عند السلف. Celui qui le renie, celui qui renie cette division, hein, doit montrer la divergence, hein, doit montrer qu'il y a un khilaf chez السلف sur ce point. Al-Hajuri taxe la parole des سلف comme étant batil, hein, nul, comme étant batil. Nous cherchons refuge auprès d'Allah. Hein, de ne pas nous livrer à nous-mêmes. N'a'udhu billahi min al-khudlan. D'accord ? Et donc là, cette séparation, un petit point, c'est que c'est comme aussi al-mujahir bil-ma'siyah ou ghayr mujahir. Donc on trouve des gens qui ont donc des péchés et qui les font en cachette. Ce n'est pas comme ceux qui affichent cela ouvertement devant les gens. Hein ? La même chose pour les innovations. Il y a des gens qui ont des innovations, ils les pratiquent et ainsi de suite. Hein, et il y en a d'autres qui ont des innovations et qui appellent à leur innovation. Hein. Donc là, Al-Hajuri, il réplique à As-Salaf hein, sur ce point, sur ce taqsim. Wallahu al-musta'an. Très bien, je pense qu'on va arrêter la première partie ici avant de continuer avec le 11e fondement bi idnillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.